De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Vous avez peut-être vaguement entendu parler d'un rapport du GIEC sorti le 20 mars dernier. Il n'a pas fait beaucoup de bruit et certains d'entre vous se demandent pourquoi encore un autre rapport du GIEC après ceux qu'on a eus l'année dernière. Alors on va faire le point avec Andreas Louis, il est membre de Shifter Montréal, qui un organisme qui œuvre sur les enjeux énergie-climat et la décarbonation de l'économie. Bonjour Andreas. Bonjour Valérie. Alors en fait, peut-être un petit rappel rapidement, qu'est-ce que c'est le GIEC et donc pourquoi encore ce nouveau rapport? Alors en fait, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc il a un nom, une traduction française qui est un peu trompeur parce que c'est pas qu'un groupe d'experts en fait, ça regroupe des États membres donc qui sont liés à l'ONU en fait tout simplement. Donc c'est un organisme hybride entre des États membres et des scientifiques. En l'occurrence, les scientifiques, eux, vont être chargés de faire en fait, une synthèse de toutes les connaissances actuelles qu'on peut avoir qui sont en lien avec le changement climatique. Donc, c'est vraiment un état de l'art, un atlas de tout ce que l'on peut savoir. Et donc, le GIEC ne produit pas de nouvelles recherches. Ça, c'est important à comprendre. C'est vraiment une synthèse et une évaluation de tout ce que l'on sait aujourd'hui. Son objectif, c'est d'éclairer nos choix et nos décisions politiques. Donc, c'est-à-dire que les rapports du GIEC ne vont pas dire il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré ou il faut le limiter à 2 degrés. Il va plutôt dire voilà les avantages, les inconvénients, les conséquences de le limiter à 1,5, à 2, 3, 4 degrés. Et ensuite, c'est aux décideurs, à la société civile, aux citoyens de s'emparer de ces connaissances-là pour qu'on choisisse ensemble qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça. Donc, on a décidé à l'échelle internationale de limiter le réchauffement à 2 degrés, si possible 1,5 degré. Et donc, c'est ça qu'on a choisi grâce au rapport du GIEC qui vient de nourrir cette réflexion. Et donc là, ce dernier rapport qui vient de sortir, en fait, il y a 4 rapports qui sont sortis dans les 2 dernières années. Le GIEC fonctionne par cycle de 6, 7, 8 ans. Et à chaque cycle, il va justement donc faire une synthèse des connaissances. À chaque cycle, il va donc publier plusieurs rapports. En l'occurrence, dans ce cycle-là, il en a publié 6. Un sur un réchauffement planétaire de 1,5 degré. D'autres sur comment dire, l'état du climat, d'autres sur les conséquences du changement climatique, d'autres sur les solutions au changement climatique. Et en fait, le dernier rapport qui vient de sortir il y a un mois, c'est une synthèse de ces six autres rapports. Donc, il synthétise 10 000 pages de rapports. Il synthétise, dans les autres rapports, en fait, il y avait 85 000 articles scientifiques qui étaient cités. Il y a plusieurs milliers de scientifiques qui ont contribué, qui ont écrit ces rapports, et il y a eu plus de 300 000 commentaires. C'est-à-dire qu'à chaque phase d'un rapport, en fait, il y a des phases de relecture et avec des commentaires externes. Et donc, les auteurs du rapport doivent répondre à tous ces commentaires. Et au total, il y en a eu plus de 300 000. Ouais, Donc, c'est voilà pour ce monumental, rapport. hein. C'est vraiment tout ce processus de relecture qui fait, en fait, le comment dire, le fait que ce soit vraiment reconnu comme travail et que ça représente l'état de l'art actuel et qu'on ne peut pas avoir de doute sur ses conclusions. Alors justement, donc qu'est-ce que nous dit ce rapport sur l'état du climat? Le climat va pas très bien malheureusement, donc il se réchauffe, hein, on le sait, donc environ de 1,15 degré sur la dernière décennie par rapport à l'époque pré-industrielle, donc de 1850 à 1900. Il y a quand même y avoir des différences locales, donc entre des zones géographiques, notamment par exemple ça va se réchauffer plus rapidement sur les terres, donc sur les continents. On est déjà à 1,6 de moyenne en réchauffement sur les terres versus 0,9 sur les océans. Et puis, ce réchauffement s'accélère en fait parce que chacune des 4 dernières décennies a été successivement plus chaude que celle d'avant. Le climat se réchauffe, mais il change aussi. Il ne fait pas que se réchauffer. Donc, il y a les événements extrêmes qui vont s'intensifier. Les chaleurs extrêmes sont plus fréquentes, plus intenses. À l'inverse, les froids extrêmes sont moins fréquents et moins intenses. Les précipitations sont plus fréquentes et plus intenses. Les fortes précipitations, pardon. Les sécheresses sont aussi en augmentation dans certaines régions du monde. En fait, il y a une accélération du cycle de l'eau, c'est-à-dire que là où il y avait déjà des fortes précipitations, il y en a encore plus et il y en aura encore plus. Et là où il y avait des sécheresses, il y en aura encore plus et il y en a déjà encore plus. On a aussi des incendies qui sont plus fréquents au niveau des océans. L'océan se réchauffe aussi. On a le niveau moyen de la mer qui a déjà augmenté d'une 20aine de centimètres sur la dernière décennie. Et puis on a aussi donc forcément la banquise arctique ou les calottes glaciaires ou la couverture neigeuse qui vont fondre et diminuer. Et puis dernier point finalement, ces changements en fait, ils sont inédits depuis un certain temps. Par exemple, la vitesse de réchauffement, elle est sans précédent, sans équivoque depuis 2000 ans. On est aujourd'hui dans la période la plus chaude depuis plus de 100 000 ans. On a la concentration en CO2 qui est la plus élevée depuis 2 millions d'années. Et finalement, on a la montée du niveau des mers qui est la plus rapide depuis 3 000 ans. Donc, on voit bien qu'on a vraiment un changement global de tout le climat mondial et avec une vitesse qui est rarement vue depuis un certain temps. Puis on connaît quand même un petit peu les causes, mais c'est peut-être bon de les rappeler. Puis en même temps, qui est responsable? Si c'est, ça doit être assez difficile d'ailleurs de pointer qui est responsable. Ah oui, bah les causes, en fait, c'est la première fois que le GIEC établit clairement que les activités humaines sont responsables à 100% du réchauffement, donc vraiment de la totalité. Là, il y a Dans les exactement, dans les précédents rapports, il y avait des marges de manœuvre, on parlait de 60, 80%, des choses comme ça. Mais là, dans ce rapport-là, c'est vraiment la totalité du réchauffement observé, c'est dû aux activités humaines. Donc, il va y avoir deux choses principales qu'on fait. On va émettre des gaz à effet de serre, donc notamment en utilisant des énergies fossiles, donc pétrole, charbon et gaz. Puis aussi avec donc l'agriculture, que ce soit la déforestation, les produits animaliers comme les ruminants, et aussi certains procédés industriels comme l'acier et le ciment. Tout ça va produire des gaz à effet de serre qui vont s'accumuler dans l'atmosphère. C'est comme si on rajoutait des couvertures à notre lit en fait. Et du coup, il y a de la chaleur qui s'accumule sous notre couette. C'est pareil dans l'atmosphère. À l'inverse, on va aussi émettre des aérosols qui sont en fait des petites particules fines qui vont faire que des nuages vont se créer. Et ça va refroidir un petit peu le climat. Et en fait, ces deux effets-là, gaz à effet de serre et aérosol, font que, on a fait réchauffer le climat d'environ 1,10, 1,15 degrés. Et puis, au niveau de la responsabilité, donc les humains, en général, oui, mais on n'a pas tous la même responsabilité, que ce soit au niveau de pays ou des individus. En termes d'individus, on sait qu'à l'échelle planétaire, les 10% les plus riches ont émis 40% des gaz à effet de serre et émettent en moyenne 15 fois plus que les 50% les plus pauvres. Et puis au niveau des pays, une fois de plus, de manière marquante, on a l'Amérique du Nord, donc notamment les États-Unis et le Canada, qui sont responsables de 23%, donc quasiment un quart des émissions historiques, et qui aujourd'hui émettent 19 tonnes de CO2 par personne. Alors qu'on a des zones comme l'Asie du Sud, qui eux ne sont responsables que de 4% des émissions historiques, et n'émettent que 2,6 tonnes, donc près de 10 fois moins de CO2 par personne. Évidemment, donc tous ces dérèglements ne vont pas être sans conséquence sur nos sociétés. Exactement, on l'observe déjà hein, depuis quelques années. Alors, on a par exemple l'accès à l'eau qui va être plus compliqué, donc notamment à cause des sécheresses. Hein. On a en France l'été dernier, il y a eu 100 municipalités qui ont été privées d'accès à l'eau potable. On a l'accès à la nourriture qui peut être aussi compromis à cause notamment de la baisse des rendements agricoles. On a aussi donc les événements extrêmes, comme je parlais au début, des inondations. L'été dernier au Pakistan, il y a eu des énormes inondations qui ont fait plus de 33 millions de personnes affectées, donc quasiment la population du Canada. On a eu bah, justement au Canada, l'été 2021, on a eu des grosses canicules puis des incendies dans l'Ouest canadien. Donc ça arrive aussi chez nous. Et globalement, en fait, on sait qu'il y a quasiment la moitié de la population de la Terre, donc 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des pays à haute vulnérabilité au changement climatique. Sur les écosystèmes, le changement climatique, c'est déjà la troisième grande cause de perte de biodiversité. C'est une cause qui augmente d'année en année, forcément. En fait, ce qui se passe, c'est que les conditions météorologiques climatiques changent, donc les espèces doivent se déplacer, mais ne peuvent pas le faire, pas assez vite ou pas aux bons endroits, et donc tout simplement elles disparaissent. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'au-delà des changements en tant que tels, le problème, c'est vraiment la vitesse à laquelle ces changements arrivent. C'est vraiment ça, un des problèmes qui freine l'adaptation, enfin, qui rend difficile l'adaptation. Et face à ça, donc, comment on peut régler tous ces problèmes? Puis j'imagine que sur Terre, tous les terriens vont pas avoir les mêmes capacités d'adaptation ou de régler ces problèmes non plus. Donc, comme les animaux ou comme les plantes, même les humains vont avoir des difficultés différenciées à s'adapter, à régler le problème. Oui, exactement. On va pas ben, comme en fait, on n'a pas tous la même responsabilité au réchauffement, on n'a pas tous non plus la même responsabilité à contribuer à l'atténuer. Ce qu'on sait, c'est que, donc, comme je l'ai dit au début, c'est un problème d'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est aussi simple qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est le principe de la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève autant de gaz à effet de serre de l'atmosphère qu'on en rajoute. Donc, qu'on soit neutre en carbone. Il faut le faire d'ici 2050-2070 pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. Et il y a un problème aujourd'hui, c'est que les infrastructures déjà existantes en exploitation en fait de projets des énergies fossiles, donc pétrole, charbon et gaz, celles qu'on est déjà en train d'exploiter et qu'on va continuer d'exploiter jusqu'à leur fin de vie, et ben en fait permettent déjà de dépasser les 2 degrés. Ah oui. Donc là, on va voir, en fait, on sait qu'on ne doit plus développer de nouveaux projets de pétrole ni de gaz, et on sait qu'on doit fermer des centrales à charbon avant leur fin de vie. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, les solutions sont connues et elles font plutôt consensus. Donc, comme vous l'avez dit, Valérie, elles vont différer en fonction du contexte et de la responsabilité de chacun. On a une responsabilité historique qui est différente. Tout le monde n'a pas contribué de la même manière au réchauffement. On a des capacités financières qui sont différentes. Tout le monde n'a pas les mêmes investissements et finances nécessaires pour pouvoir réduire ses émissions, et puis on a une vulnérabilité, on ne va pas tous subir les mêmes impacts chez nous. En fait, c'est bien fait ou mal fait plutôt, mais on différencie facilement en deux groupes de pays. On a les pays développés qui sont très fortement responsables historiquement, qui ont une capacité financière plus élevée et qui souvent sont moins vulnérables, vont moins avoir d'impact chez eux. Et tout l'inverse pour les pays en développement. Donc on va vraiment avoir ces deux pays avec deux stratégies un petit peu différentes à chaque fois qu'il va falloir mettre en place. Mais là, quand on dit que les solutions sont connues, qu'est-ce que c'est ces solutions? C'est arrêter de consommer ou c'est remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables? Ça va être quoi ces solutions connues? Bah en fait, ça va être ça va être les deux, ça va être un petit peu de tout à chaque fois, ça va juste dépendre, ça va être l'ordre de grandeur va varier, mais pour les pays développés, en fait, on a des consommations d'énergie qui sont très élevées. Donc, ça va être très compliqué de pouvoir déployer assez rapidement toutes les énergies renouvelables nécessaires pour combler cette consommation d'énergie. Donc là, il va falloir qu'on réduise cette consommation d'énergie. Et en fait, c'est même pas une question de réduire notre consommation d'énergie, c'est surtout une question de l'utiliser de manière plus rationnelle. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, on entend beaucoup parler de sobriété, qui parfois peut être perçue comme quelque chose de très individuel, mais en fait, réduire la consommation d'énergie, le GIEC définit trois types. On a tout d'abord le changement d'infrastructure, on a l'adoption de certaines technologies qui peuvent aussi réduire la consommation d'énergie, et on a aussi des facteurs socioculturels. Et en fait, ces trois types de réduction de la consommation d'énergie vont varier selon les secteurs. Si on prend le secteur de l'alimentation, par exemple, ça va être quasiment uniquement des facteurs socioculturels qui vont permettre de réduire notre consommation d'énergie. Donc là, ça va être manger moins de produits d'origine animale, limiter le gaspillage alimentaire, limiter la surconsommation. Ces facteurs-là peuvent réduire de quasiment moitié la consommation d'énergie, dans le secteur de l'alimentation. Donc c'est énorme. Dans l'industrie, à l'inverse, là, ça va être quasiment uniquement des technologies. Donc là, ça va être de l'électrification qui va permettre de pouvoir réduire notre consommation d'énergie. Là, on peut réduire en environ 30% la consommation d'énergie dans ce secteur. Dans les transports, là, par exemple, ça va être des changements d'infrastructure. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être l'aménagement urbain, aménager des villes de manière plus dense, des villes 15 minutes. Donc où dans un rayon de 15 minutes à pied, on a notre épicerie, notre école, la garderie pour les enfants, notre travail à pied, donc ce qui fait qu'on a moins besoin de se déplacer, et puis ensuite on va avoir des villes denses qui vont permettre d'avoir des transports en commun plus facilement. Et donc toutes ces mesures-là peuvent permettre de réduire de 67% les émissions dans le secteur des transports, et puis finalement dans le secteur des bâtiments, là on va avoir des facteurs socioculturels, donc baisser notre consommation d'énergie, baisser notre chauffage, notre climatisation, puis on va aussi avoir des solutions plus technologiques comme la rénovation thermique, faire que les bâtiments soient mieux isolés, des pompes à chaleur. Et toutes ces technologies ensemble peuvent permettre de réduire de 66% les émissions dans ce secteur-là. Mais en fait, à l'échelle mondiale, on voit que rien que réduire la demande, en fait, ça permet déjà de réduire, selon les secteurs, de 40 60, à 70% les émissions de gaz à effet de serre. Et en termes de consommation d'énergie, on peut réduire de quasiment moitié à l'échelle mondiale notre consommation d'énergie en garantissant un niveau de vie décent à tout le monde. Donc, tout le monde peut répondre à ses besoins. Donc, on voit que c'est énorme juste en utilisant. Là, on ne parle vraiment pas de se contraindre, on parle juste d'utiliser de manière plus rationnelle notre énergie. Mais il y a quand même l'aspect socioculturel, quelque part, et même pour les transports, là, Andreas, vous disiez que c'était une question d'infrastructure, mais c'est quand même aussi socioculturel parce que faut accepter quelque part de de se débarrasser un petit peu ou de moins se déplacer en autosolo et d'adopter un peu plus les déplacements en transport en commun ou des transports actifs. Donc là, il y a quand même un élément socioculturel. Et même pour les autres secteurs où il y a aussi un élément socioculturel, quelque part, ça peut être perçu comme une contrainte quand même, comme quelque chose qui restreint notre confort, nos besoins. Donc, ce n'est pas si simple que ça quand même. Exactement. Là, le GIEC a proposé des répartitions par catégorie. À chaque, de toute façon, toutes ces catégories sont liées entre elles, hein. À chaque fois, c'est vrai que la voiture, ça va passer par l'adoption politique. Est-ce que tous les citoyens soutiennent ce genre de choses? Et c'est sûr qu'il va falloir un soutien de tout le monde, mais il faut aussi faire comprendre que si on envoie un message un petit peu plus positif, que ce n'est pas de la contrainte, mais que c'est juste mieux utiliser ce qu'on fait. Peut-être que les gens vont comprendre qu'en fait, ça n'a pas de sens de dimensionner des villes pour les voitures et vont être plus à même de vouloir développer des villes denses basées sur les transports en commun et sur les transports actifs. Exactement. Donc, dans ces conditions-là, si on applique toutes ces solutions que vous avez énumérées, à quoi va ressembler le futur? En fait, on sait déjà qu'on a comment dire, des impacts du changement climatique qui vont arriver dans le futur. Donc, à long terme, ils vont varier selon nos scénarios. Par contre, à court terme, en fait, on sait ils vont être identiques dans un petit peu tous les scénarios. Ça, c'est pas une inertie du système climatique, c'est vraiment une inertie sociétale au sens où on sait qu'on ne va pas atteindre la neutralité carbone avant 2050, parce que c'est pas possible en termes de vitesse. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on va continuer à rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère jusqu'en 2050. Donc tant qu'on en rajoute, le climat se réchauffe et le climat dérive. Donc par contre, à plus long terme, en fait, en 2100, on peut soit au mieux limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, soit au pire, on va être sur des scénarios à 4 degrés. Et là, c'est un monde radicalement différent entre les deux. Chaque dixième de degré compte, chaque tonne de CO2 compte. Les événements extrêmes sont extrêmement sensibles justement à chaque incrément de réchauffement, en fait. Que ce soit les vagues de chaleur extrêmes, les sécheresses, les précipitations intenses, les neiges, etc. Par exemple, pour la montée des mers aussi, c'est très marquant, hein. On sait que d'ici la fin du siècle, la mer va monter de niveau encore de 30 cm à 1 mètre, selon le scénario. Et puis d'ici 2000 ans, dans le meilleur des cas, donc dans un scénario à 1,5 degré, les océans vont monter de 2 mètres. Mais dans un scénario du pire à 4 degrés, les océans peuvent monter jusqu'à 16 mètres. Donc là, on voit qu'on a des avenirs qui sont radicalement différents entre nos choix de société aujourd'hui de est-ce qu'on va réussir à limiter les émissions ou pas. Et puis l'adaptation aujourd'hui, elle est encore souvent elle est très faible au niveau mondial. On a peu lancé ces processus-là, hein. Par exemple, on voit très bien les inondations au Pakistan qui ont fait plus de 33 millions de déplacés. On voit que pour aujourd'hui, on n'a pas encore fait les efforts pour le faire. Par contre, ça laisse quand même un petit peu d'espoir de se dire que le futur, en fait, dépend majoritairement de nos émissions futures et donc il va falloir, en fait, vraiment réduire nos émissions. C'est la fameuse phrase qui dit éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Donc éviter l'ingérable, c'est réduire nos émissions pour avoir le moins de conséquences possible, mais gérer l'inévitable, c'est on va quand même devoir se préparer à certaines choses et se préparer à des scénarios du pire. Et puis finalement, la dernière bonne nouvelle aussi, c'est que en fait, le GIEC a évalué que ça allait nous coûter moins cher de réduire nos émissions et de s'adapter à un monde à 1,5 degré plutôt que de ne pas réduire nos émissions et de subir toutes les conséquences d'un réchauffement à 2, 3, 4 degrés. Donc en fait, même l'argument économique ne tient plus. Ouais. Le problème, c'est que c'est des dépenses qui sont différées dans le temps, donc on préfère regarder les dépenses actuelles et pas regarder ce qu'il nous en coûterait plus tard. C'est un petit peu le frein, un petit peu, qui risque de nous bloquer. En terminant, Andreas, quelles sont les prochaines étapes, concernant le GIEC, par exemple? J'imagine qu'il y a d'autres rencontres qui sont prévues, il y a peut-être d'autres rapports qui vont arriver. Oui, alors en fait, là, le GIEC finit un cycle d'évaluation. Donc, ils vont lancer prochainement un nouveau cycle à la suite où il y aura des nouveaux rapports. On sait déjà qu'il va y avoir un rapport sur le changement climatique et les villes. Donc, comment est-ce que les villes sont impactées, puis comment est-ce qu'elles peuvent répondre, réduire les émissions et s'adapter. Et puis, sinon, à la fin de l'année, on va voir la COP28, donc la conférence des Nations Unies sur le climat qui va avoir lieu à Dubaï. Ah oui, ça avait été controversé d'ailleurs, ce choix. Oui, alors le choix de la localisation n'est pas vraiment un problème en soi parce que c'est le principe de l'ONU que tout le monde puisse participer puis organiser une COP chez soi. Par contre, Le problème, c'était que c'est que le président de la COP est aussi un président d'une compagnie pétrolière. Donc là, il y a clairement un conflit d'intérêts assez direct. Et puis, pour cette COP, en fait, ça va être le premier, ce qu'on appelle le bilan mondial. C'est-à-dire qu'en 2015, lors de l'accord de Paris, on s'était dit que tous les 5 ans, on allait faire un bilan mondial de l'action climatique. C'est-à-dire où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a réduit nos émissions? Est-ce qu'on suffisamment? Et comment on peut faire pour accélérer ces processus-là? Est-ce qu'on s'est adapté? Comment on peut faire pour accélérer ça? Et là, ça va être le premier bilan mondial qui va avoir lieu à cette COP-là. Donc, c'est vraiment Ouais. un moment, puis un événement marquant qu'on va pouvoir assister. Bon, ben, j'espère que d'ici là, on va faire quelques progrès quand même, qu'on va prendre conscience de l'importance de prendre des actions, des actions positives et qu'on va faire un pas dans la bonne direction. On l'espère tous aussi, oui. Ouais. Alors, merci beaucoup, Andreas, pour ce résumé de la situation. Alors, je rappelle qu'Andreas Louis est membre des Shifters Montréal, un organisme qui œuvre sur les enjeux en énergie-climat et la décarbonation de l'économie. Merci beaucoup, Andreas. Merci Valérie. Alors voilà, c'est la fin de Futur Simple, mais Futur Simple vous revient lundi prochain, ce sera lundi de Pâques, et nous parlerons de radioastronomie et de l'empreinte environnementale de nos vêtements. Et pour le moment, je vous invite à rester sur CKRL 89.1 pour écouter En aparté en compagnie de Calypso le Moine. Qu'elle t'aime, t'as changé tes manières, tu prends des allures mondaines, tu racontes seulement tes voyages en première. En première. Tu veux qu'elle t'estime, tu sors de plus belles lectures, t'as vu des centaines de films, t'expliques d'où viennent ces tapis sur le mur. Sur le mur. Signal. Tu voudrais qu'elle rêve, tu gardes un petit doigt en l'air, tu parles de décalage horaire, de plage blanche à l'autre bout de la terre. De la terre. Pourquoi pas Venise quand les fontaines s'allument en dessous des lumières grises? On pourrait danser sur le bord des lagunes. Des lagunes. Et il y a une heure où va retentir le signal. Sens capable de marcher sur la mer.